reçoit du BS des autres provinces. Aimez-vous ça être sur le BS, vous autres? Nous, les Québécois, qui sommes si créatifs, qui sont capables de bâtir, de développer, qu'on accepte d'être sur le BS. Ça n'a pas de sens. Le Canadien, il a connu une saison incroyable et le meilleur est à venir, sauf que lui, il gagne la coupe à chaque semaine. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudouin! Wow! Wow! Wow! Hey! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, hein, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de revenir sur cette sordide affaire dont tout le monde parle depuis, depuis cette semaine. Hein, c'est-tu écœurant pareil? Hein, Fred, bonsoir. Bonsoir. On peut-tu revenir là, du bébé kidnappé un peu? Là. Il est même pas mort. C'est pas de ça dont je parlais. Ah non! Mais non, je parlais du Canadien. Du Canadien. Du Canadien qui a perdu hier, qui avait gagné cette semaine, qui nous a fait faire des. Non. De toute façon, l'affaire du bébé, moi, j'en suis revenu très tôt. Hein. En fait, j'en suis revenu même avant que ça se passe. Ah ouais? Je suis pas très bébé, moi. Ah fait. Non, pourtant, non. Quand vous parlez des fois. Oui, non, je suis pas. Mais bon! Il y a quand même quelque chose de bon avec la fin du Canadien de Montréal, c'est que ça nous permet de se mettre à jour avec ce qui s'est passé là, dans l'actualité dans les dernières semaines. Non, mais quand, c'est niaiseux, mais je veux dire, j'ai appris moi cette semaine que la Russie avait envahi l'Ukraine récemment. Ben oui! Ben, j'espère que ça ne va pas nous priver de joueurs ukrainiens pour les Canadiens, ça. Ah, ça, Fred, on le sait pas, hein, mais revenez-en encore une fois. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine là, en refaisant mes vieux... Ah, Brian Mulroney qui va prendre les guidons de Québécois. Mulroney! Les guidons, il y a des gens qui ont compris la petite blague. Mulroney, ben Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada. Mulroney était premier ministre du Canada, puis personne ne me l'a dit. Oui, on l'a fait. Le Canadien est en série bien que depuis le mois d'avril. Là. Ah! Poussez pas, là. OK, c'est pas récent. Mais ben non, voyons donc. Hey, quoi d'autre cette semaine? Ah, sinon, il y a le Parti libéral qui en a échappé une petite cette semaine. Ah oui, comment ça? Oui. Ben, il y a la petite madame des communications qui a envoyé, par erreur, les lignes prémâchées aux journalistes. Tu sais, les lignes prémâchées que les députés apprennent pour, c'est ça, là, pour pas répondre aux questions pour vrai. Ah oui? Oui, whoop, right, hein? Mais là, je sais que Couillard avait promis de la transparence, mais c'est peut-être un peu exagéré. Oui, là, c'est. Pas sûr qu'ils ont besoin de lire ça. Là. En même temps, je veux dire, tant que c'est pas des photos tout nues. Hey. J'avoue. Ah non, franchement. Sinon, quoi d'autre? Il y a Julie Boulay qui est passée une autre belle semaine. Oui. Boy, hein? Fait des grosses semaines. Hey. Cette semaine, elle a fait un doigt d'honneur à des députés du PQ en chambre. Ouais. C'était-tu dans les lignes prémâchées, ça, le doigt d'honneur? Ça me semble pas l'avoir lu. Non. Ça me surprendrait. Non, je pense que c'est un syndrome post-traumatique de la commission Charbonneau. Hein, ah oui? C'était pas un burn-out qu'il avait fait à la commission? Non, c'est une crise d'Alzheimer. Ah oui, elle se souvient de rien. Eh, hey, pauvre petite. Ouais. Parlant d'Alzheimer, il y a Léo Bureau-Bloin qui. Des gens qui sont tout faits avec leur bière. Ouais. Il y a Léo Bureau-Bloin qui va se présenter à la chefferie de l'aile jeunesse du Parti québécois. Mais il me semble qu'il aurait dû commencer par ça, lui, au lieu d'essayer de faire le député des grandes personnes. C'est parce, là. C'est parce qu'il régresse, Fred. Il fait ça à l'envers. Ah. Tu sais, lui, quand il a mué de la voix à 12 ans, là, il était déjà membre de la FADOC. Ah ouais, hein? Consensus. Il remonte dans le temps, finalement. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu le Benjamin Button de la politique. Ah ouais. N'empêche. Attendez pas ce que les gens la rient autant. N'empêche, on lui souhaite bonne chance hein, quand même à Léo, franchement. Oui. Puis ben, si ça fonctionne pas, au pire, il deviendra président de sa maternelle. C'est vrai. C'est comme ça. T'as un vote secret, hein? Ah, ouais. T'as des chances, t'as un vote secret. moment charnière de l'année, hein, cette semaine. Mercredi, c'était la journée sans maquillage. Ah. Ah, franchement, ça, c'est. J'espère que vous avez fêté un peu, Fred. Non, pas tellement. C'est en milieu de semaine, moi, je me tiens tranquille. Mercredi. Ah oui, hein? Ouais. Mais de toute façon, j'avoue que hein, c'est comme la seule journée où toutes les filles que tu croises ont l'air d'être membres de Québec solidaire. Elle était facile, mais elle était payante. Alors, même les gars avec des moustaches. Même les gars avec des moustaches ont l'air d'être des filles de Québec solidaire. Non. C'est une grosse journée. Elle était encore plus facile, peut-être moins payante. Ouais, c'est tout. D'ailleurs, c'est pour quelle cause, cette journée-là? Je pense que c'est pour combattre le cancer du mascara. Ah oui? Ouais. Cancer très douloureux. C'est terrible, ouais. Ça. Ça coule, ça fait une flamme. Non, c'est l'enfer. Sinon, grosse nouvelle aussi, dans le domaine du jeans particulièrement, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le président de Levi's qui a annoncé qu'il lave ses jeans une seule fois par année pour préserver la planète. Ah ouais. C'est fin, ça. Hein? Une fois par année? Oui. Ben voyons donc. Ah oui, oui. Il paraît qu'à partir du mois de mai, les jeans viennent à toi tout seul se faire mettre. Ben, j'espère que c'est le seul à faire ça quand même. Je voudrais pas voir les boxers du président de Fruit of the Loom. Hey, heureusement, nos invités de ce soir, ben, sont propres. Oui! Hein, du moins, on l'espère. On reçoit le metteur en scène Serge Deloncourt. On est très contents. Oui. Vraiment. Oui. Très heureux. Ça, c'est le gars qui a monté le spectacle de music hall avec des Romain Michel, hein, c'est ça? Quand vous parlez, Fred, on dirait un Tintin lu à haute voix. Ah ouais, hein? Vous parlez de Grob, évidemment. Oui, je parle de Grob. Ouais, ah oui. Voilà. Êtes-vous allé voir Grob? Ah non, je mène trop pas me faire voler mon portefeuille. Ah non, gars. Aucun préjugé. Hein. Ah non, mais non, je sais. Sinon, on reçoit également la nouvelle ministre de la Culture, Hélène David. On est très, très heureux. Ouais. Hey! On s'est battu longtemps pour avoir Marc à côté, monsieur. Je l'ai vu rentrer tantôt. Oui. Là, elle a l'air vivante, elle bouge. Je te dis que ça nous fait changement de Maca Koto. Ah, mais hein, ça, comme je disais, Maca n'a jamais voulu venir en plus. Non, jamais. Hein? Mais on a le temps de constater si vraiment elle est très vivante parce que la soirée est encore jeune. Ouais. Yeah! Bon. Mais mon Dieu, ça a arrêté d'applaudir vite. Hein? Ouais. Olivier? Oui. Ben, parlez-nous des internets, là. Je sais pas si vous saviez, mais les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée ouais. encore jeune, et sur notre site radiotraditioncanada.ca/lasoirée, où ils pourront voir que Jean Tremblay, maire de Saguenay, a écrit suite à la mort de Marcel Côté. Marcel Côté est mort? Non, il a changé d'univers. Un univers où il ne peut lire les tweets de Jean Tremblay, on espère. On lui souhaite. OK. On passe au courrier des auditeurs. Hey. C'est bizarre. Vous êtes calme aujourd'hui. Ah ouais. Ah ouais. Bon, contrairement à d'habitude, il est si agité. Retenez-moi. Allez-y. Bon, fait que j'ai choisi quelques questions au hasard, là. D'abord, Félix Bernier demande « Qu'est-ce qui est le plus gros, les habits du ministre de la Santé ou l'ego de Fred Savard? Oh. » C'est pas fin, franchement. Ça. Ben, moi, je commence. C'est pas moi qui ai le plus gros ego dans cette émission-là, mais ça. En tout cas, c'est On ça. A aussi Guillaume Tell qui veut savoir « Est-ce que Fred Savard va finalement nous faire le bonheur d'arrêter de s'auto-complimenter et va enfin ajouter un tant soit peu de contenu à sa chronique? Oh, » Franchement! Bravo. Hey, les gens sont méchants, j'en reviens pas. Ben non. On a Étienne Robert ouais. qui nous dit « Quand Fred Savard cessera-t-il de nous répéter qu'il a déjà gagné un Gémeaux? » Oui, quand? Hein? Honnêtement, quand? Pourquoi tendance? J'arrêterais, c'est la pure vérité. Ben voyons donc! Contrairement à ses auditeurs qui perdent du temps à m'invectiver, eux en ont pas gagné, Gémeaux, ça paraît. C'est même pas bien écrit. Les questions sont même pas bien écrites à part ça. Enfin, on a Caroline Béroir qui demande « On peut-tu se débarrasser de Fred Savard pour rajeunir l'équipe puis qu'on arrête d'entendre parler de son maudit Bravo! Gémeaux? » Bravo! Merci à tout le monde! Pas votre journée, hein? Bravo! Non, franchement, non, c'est ma regarde. Dernière semaine en passant. Mais c'est le temps. C'est... Ben. Non, c'est pas vrai. OK. Des grosses menaces. Ils ont écouté d'autres émissions. Il y en a plein d'autres. Ben, merci beaucoup, Olivier. Hein. Quand vous avez des courriels comme ça, vous nous les envoyez immédiatement. Oui. Excellent. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard, le délicieux Jean-Sébastien. Comment ça va, Jean-Seb? Allô, Jean-Philippe. Ah, mon Dieu, vous avez l'air un peu caduque aujourd'hui, mon beau. Ben, honnêtement, j'ai quelque chose de sérieux à vous dire, Jean-Philippe. Ah, mon Dieu, allez-y voir. Écoutez bien ceci. Il y a un bébé qui a été kidnappé cette semaine à Trois-Rivières, Jean-Philippe. Ben voyons donc. Vous inventez ça ou vous êtes sérieux, là? Je suis absolument sérieux, Jean-Philippe. Et en fait, le scandale dans tout ça, c'est pas tant le vol de l'enfant, c'est le fait qu'il y a personne qui en ait parlé dans l'espace public, Jean-Philippe. Ben je le sais. Mais comment ça se fait? Vous le savez, vous? Ben parce que je suis dans le milieu. Hein? Quel milieu? Sans ça, ben, le milieu des artistes. Ah. Sans ça, j'aurais jamais entendu parler de ça, Jean-Philippe. Je veux dire, je comprends pas que les médias aient choisi de taire cet événement-là. Ben, c'est les coupures encore, Jean-Sébastien, vous le savez, hein? Ah, c'est probablement ça, Jean-Philippe. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est une histoire terrible. Je veux dire, ça a dû, on s'entend entre nous, là. Ça a dû être épouvantable. Ben oui, pour les parents? Non, pour la chapardeuse. Ah! La petite chapardeuse d'enfant? Oui, la chapardeuse. Je veux dire, écoutez, la pauvre femme, là, elle se trouve un habit d'infirmière. Elle organise toute la mise en scène, puis là, paf, on y enlève le bébé. Ben oui, non, Puis je veux dire, en plus de tout ça, elle se fait arrêter. Tout ça, Jean-Philippe, parce qu'elle a voulu être mère, comme tout le monde. Ben, c'est pas le processus normal, mais je... Enfin... Ben, c'est ça. Et c'est exactement comme ça que ça se passe au Québec, Jean-Philippe. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut réussir, dès que quelqu'un a des projets d'envergure, ben, on l'écrase. Ouais, non, mais Jean-Sébastien, c'est pas... Donc, je suis tellement touché par cet événement-là, Jean-Philippe, que j'ai décidé aujourd'hui d'aider cette femme-là. Pas la chapardeuse? Oui, je vais aider la chapardeuse, Jean-Philippe. Alors, je vais l'aider à faire son deuil d'avoir des enfants et la convaincre que d'avoir des enfants, ben, Jean-Philippe, c'est de la marde. Ah! Ben ça, par contre, je ne peux pas nier, Jean-Sébastien. Tout à fait d'accord avec vous. Exact. Moi, je vous dis ceci. Des enfants égale arc. Ah. Arc fois deux, Jean-Sébastien. Arc fois deux. Arc fois 3. Ah oui, regarde. OK, c'est correct, là. Je veux dire, moi, je trouve qu'à moins d'aimer la misère puis avoir envie d'avoir de la mort sur tes complets Armani, il n'y a aucun intérêt à avoir des enfants. Au prix que charge le nettoyeur, Jean-Sébastien, ça vaut pas la peine. Il paraît, hein? Ah non, c'est rendu l'enfer. Moi, à côté de chez nous, là. Enfin, continuez, voir. Oui, oui, oui. Bon, ben c'est ça. Alors, pour défendre ma théorie, je vais m'entretenir avec Mme Magenta Baribeault, oui. qui est un peu, si vous le voulez, la porte-étendard au Québec du Child Free. Ah, c'est quoi ça, les enfants gratuits? Non. En fait, ce sont des femmes qui, par choix, choisissent de pas avoir d'enfants. Ah. Une espèce de mode de vie, en fait, qui est née aux États-Unis et qui a ensuite gagné principalement les pays développés. Ah, donc, ben. Avec elle, on va tenter de réussir à convaincre la chapardeuse qu'elle est bien mieux sans enfants, Jean-Philippe. Ah, ben, un monde sans enfants, Jean-Sébastien, vraiment, ça, c'est. On serait tous heureux, hein? Ah! Hey, plus de maudits criages dans ruelle! Ah, ben, de toute façon, ça sert à quoi d'autre des enfants, Jean-Sébastien? À rien! Plus de maudits statuts Facebook débiles de nos anciennes amies obèses du secondaire qui mettent la photo de leurs maudits enfants en lettres comme avatar, Jean-Philippe. Ils sont pas tous beaux, hein? Eh, tablette, pas beau, vous dites? Eh, hey, mon Dieu! Il y a des fois, je me dis, en tout cas... Mais attention, Jean-Philippe, un monde sans enfants, par contre, ça serait l'enfer pour les curés. Oh. Franchement! Tu sais? Tu sais, veux dire? Mm-hmm. Tu sais? Ouais. Les enfants, les curés, tu sais? Elle est bonne, hein? Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, Jean-Philippe? Ouais, ouais, c'est bon. C'est correct, Jean-Sébastien. C'est une de vos bonnes. Hé, hey, Jean-Philippe? Ouais. On veut un pays! OK, bye! Bye, oui! Bye, notre premier invité, Fred. Metteur en scène de renommée mondiale, il nous fait l'honneur d'une visite malgré ses engagements multiples. Accueillons une grande gueule essentielle de notre dramaturgie, M. Serge Loncourt! Monsieur Loncourt! Monsieur Gauthier! Vous l'aimez bien? Non, mais ça, je suis vraiment déçu parce que quand je vous écoute, ouais. j'avais toujours pensé que c'était comme un lounge. qu'il y avait toujours Denise Filiatro et Denise Bombardier qui buvaient du champagne dans le coin. Ben, sont là, normalement, sont là. Et là, c'est vraiment le monde est assis sur nos genoux. Ouais. Ils m'avaient donné une bouteille d'eau. Ouais. Il n'y a pas de champagne. C'est non. une grande, grande déception. On est à Radio-Canada quand même. Oui, mais Denise Bombardier a eu du champagne. Oui, mais je l'ai payé avec mes poches vierges. Puis parce que c'est ton meilleur front. Ben oui. Denise. Denise. Bon, j'avais prévu 12 minutes, je pense pas qu'on se rende là. Ça va bien, ça? Ben, ça va bien, je suis avec toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hey, tous les deux vrai. Tout seul ensemble. Bon, t'es-tu déjà vu tous les deux tout seul ensemble? Les 3 minutes que t'es sorti du placard, là, t'es rentré très, très vite. Ah, que ça va être long, c'est un entrevue de marrant. Ah, non, moi, j'aime ça. Hey, t'ouvres ton jeu mou. Bon, hey, non, mais... Lead ton entrevue, mon homme, là. On savait... On savait... Voyons, le public, là, c'est là qu'il est. Il se calme, là. C'est pas si drôle que ça. Sûrement aussi drôle que Fred, entre toi puis moi, là. C'est vrai que c'est pas fort. Oh boy. Non, mais en fait, on recevait une ministre de la Culture cette semaine. Eh oui. Puis on s'est dit, bon, on va mettre la marde. On va inviter Serge Loncourt. Ben, c'est une bonne idée. C'est vrai? Oui. Ah oui, hein? En même temps, c'est difficile parce que Mme David vient de rentrer en poste. Je alors, sais. Je vais pas la tenir responsable pour tous les macacotos de ce monde, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire, macacoto? Ben, je veux dire rien faire pantoute. C'est ça. Ben, il se préparait à faire de quoi, mais là? Cela dit, tout à l'heure, je pense qu'elle va nous rejoindre. Ben oui, elle va venir nous rejoindre. Oui, que j'ai des bons conseils, moi. Ah oui? Pour la ministre de la Culture. C'est vrai? Ben oui, pour vrai, vrai, en plus. Voyons donc. Ben voyons, ça fait quand même 30 ans que je fais ça, elle, ça fait 2 semaines. Mais non, mais je veux bien croire, mais je veux dire, en quoi vous êtes apte à donner des conseils à une ministre? Tu sais, vous avez fait des petites mises en scène. Oui. On a dirigé Patrice Robitaille, là, comme à un moment donné. Et c'est fatigant, mon homme. Ah oui? Et tu fais tes preuves comme metteur en scène. Ah oui, il est pas si bon que ça. Il est si bon que ça. Ah oui? Mais il est chialeux, là. Arrêtez donc. Oui. Là, on parle évidemment de Cyrano, là. Cyrano de Bergerac, il chiale contre le chapeau, il chiale contre l'épée, il chiale contre la cape, il chiale contre le nez. Arrête donc. Oui, mais il va être très, très bon, là. Je suis supposé de dire ça, là. Oh oui, ben oui. Mais, non, mais Patrice, c'est un grand acteur, mais c'est un chialeux. Comme vous? Non. Ah? Non, moi, je suis plus une grande gueule. Je suis toujours en chicane avec le monde entier. Ouais, mais je suis pas un chialeux sur les petites affaires. Ah non? Non. Ah non? Vraiment pas. Je sais que, je sais que Serge Loncourt est un indécrottable souverainiste. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes remis de la dernière défaite? Ben, à mon avis, d'une part, est-ce qu'il y avait un parti souverainiste qui avait des chances de gagner? Aïe, aïe. Moi, je pense pas avoir vu un parti souverainiste vraiment demander le pouvoir aux dernières élections. Option nationale? Oui, option nationale. Québec solidaire, on savait bien qu'ils allaient pas gagner. Donc, on se retrouve avec un pays qui, de toute façon, n'a pas de vraies options souverainistes. Et je vais être plus méchant que ça, puis je vais tout de suite préparer la prochaine invitée. Oui. Étrangement, c'est le Parti québécois, oui, qui était le parti... Les artistes ont longtemps voté pour le Parti québécois. C'est le parti qui a le moins fait pour les artistes. Je pensais jamais dire ça, oui, mais le Parti libéral a fait beaucoup plus pour les artistes, bon, québécois que le Parti québécois qui, une fois qu'il a notre vote, disparaît. Là, vous en accusez encore, ma carte. Oh, mon Dieu. Il y a quatre libéraux. Non, mais j'accuse. J'accuse Agnès Maltais, j'accuse le Parti québécois, mais je l'ai juste éprouvé, on le sait dans le milieu. On pense toujours que les libéraux, dont on n'est pas toujours d'accord avec les libéraux, mais ils s'occupent plus des artistes, peut-être parce qu'on n'est pas leurs meilleurs amis puis qu'ils veulent qu'on devienne leurs meilleurs amis, je ne sais pas. Mais les libéraux font le meilleur job. Pense à Lisa Frula à l'époque. Oui. Elle se démenait, Lisa, pour qu'il se passe de quoi, là? Mais le parti des artistes, c'est lequel maintenant? C'est-tu le PQ? C'est plus le PQ, visiblement. C'est le Parti libéral. Je ne peux pas parler pour les artistes, là, mais j'aurais tendance à penser que Québec solidaire nous rejoint un peu. OK, mais supposons pour vrai, là, un vrai parti, là. Il y en a pas. Ben moi, je te dirais que probablement, là, j'invente encore, mais je pense que c'est probablement l'élection où les artistes ont le moins voté. Non, ben on va parler de théâtre parce que justement, il y a un grand homme de théâtre qui a décidé de faire la mise en scène de Pauline Marois. je le savais. Bon, vas-y. OK. Je peux pas parler de ça. Il y a Yves Desgagnés qui s'est occupé de Pauline Marois pendant le déclin de Pauline Marois. Oui. Puis je me demande, est-ce que Serge Lancourt a une opinion là-dessus aussi? Parce que c'est un drôle de mandat quand même. Mais c'est parce que ça n'a pas de rapport. On est metteur en scène de théâtre. On n'est pas metteur en scène d'une madame qui n'a pas de charisme. C'est pas ça qu'on fait dans la vie. Ouais. On monte des pièces, on monte des histoires, etc. Yves, je pense, par conviction politique, accepté, mais être organisateur, s'occuper de l'image d'un policier, c'est une job. On regarde toutes les séries à HBO, puis sur Netflix, c'est une job. Il s'est retrouvé avec une job qu'il sait pas faire parce qu'il n'a pas été élevé pour ça. C'est pas ça qu'il fait dans la vie. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Moi, j'y reproche pas de l'avoir fait, mais c'est pas sa job. Il sait pas faire ça. C'est une job. Moi, on me l'aurait offert. Ouais. Ben, j'aurais dit non. À moins qu'on m'en fasse beaucoup d'argent. Et... c'est probablement ce qui est arrivé. Non, aussi je ne penserais pas non. Parce que j'ai quand même demandé à Mme Marois, moi, pour vrai, pourquoi vous avez choisi de gagner au lieu de moi? Ouais. Puis elle a dit, on n'avait pas beaucoup de sous. Mais je te le jure. Yves nous écoute et il doit être très content. Bon, on l'aime beaucoup, hein? Ben oui, puis c'est pas contre Yves, là, c'est Mme Marois qui m'a dit ça. Hey, ça serait bien que ce soit contre Yves. Oui, non, j'aime bien. Ben non, c'est ça. Mais justement, parlant d'argent, on va encore parler de théâtre. C'est une petite blague. Non, oui, parce que on parlera pas d'argent longtemps. Comment ça va le théâtre ce temps-ci? Parce que ça va bien pour Serge Lancourt. Ben oui. J'ai l'air au-dessus de mes affaires. Fait comme 4 shows là, en 3 mois. Ouais. Et j'ai été complet partout. Fait que moi, je trouvais que le théâtre allait bien. Moi, j'ai mon Dieu que le théâtre va bien à Montréal. Mon Dieu que ça va bien. Puis là, j'ai parlé avec des amis qui m'ont dit, ben, t'es-tu tombé sur la tête, toi? Ça va pas bien. Ben non, ça va bien, ça va mal. Ça passe, ça vient. Mais moi, ça allait bien. Tu vois, j'étais dans le quartier des spectacles. C'est tellement le fun d'avoir un quartier des spectacles. C'est ironique, ça doit être cynique. Avec une place des festivals et tout, mais on n'a pas d'argent pour faire des shows à l'intérieur du quartier des spectacles. Pas grave, tu mets des lumières. Mais là, je suis pompé, là. Ben oui! Oui. Tu mets des lumières, t'es bien correct. Parce qu'il y a de parler du quartier des spectacles, pas moyen de se stationner. Deuxièmement, je le sais, là, on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 10 ans, il y a eu des baisses, il y a eu des coupures, fait que les gens viennent dans le quartier du spectacle, voir le quartier du spectacle, mais les shows. Moi, je fais Cyrano en coproduction présentement. Oui. Pourquoi en coproduction? Parce qu'il n'y a plus un théâtre qui peut se payer Cyrano. C'est pas parce que j'ai 2 fois plus d'argent, c'est que ça a pris 2 théâtres pour qu'on réussisse à faire un Cyrano normal. Trouves-tu ça normal, toi, au Québec? Ben, on peut pas monter Cyrano à plus qu'à tous les 20 ans. Mais c'est quoi un Cyrano normal? Ben, c'est écrit pour 50 acteurs. Ouais. C'est nécessaire. Calme-toi. Okay. On le fait à 30. OK. Mais là, je vais le faire à 20. Ben oui, c'est en masse. Non, non. Tu viendras faire l'exercice avec moi de change de costume, swing, rentre dans ta cape, sors de ta cape. C'est difficile. Arturo Brachetti, il fait ça, lui. C'est vrai qu'Arturo Brachetti. Alors, Arturo Brachetti, on dit Brachetti, Fred. Ah, okay. C'est moi qui l'ai mis en scène et chaque costume coûte 5000 $. Ah oui? Ben oui. Ah, qui ont de l'argent. Pour que ça change de même. Ça change vite. Ben oui. Alors, on n'a pas les moyens non plus. Fait que tout, on change à l'huile de bras, là, normal, là, comme toi. Là, on détache nos boutons. Ah oui, hein? Oui. Ah, mon Dieu. Mais tout ça pour dire que c'est plate pour le public de pouvoir voir Cyrano de pouvoir avoir des grandes productions. Regarde bien comme faut ton journal, le nombre de monologues qu'il y a à Montréal ces temps-ci. Les humoristes. Non, de théâtre aussi. Molly Bloom, Suleiman Lou. On fait des monologues, pas de décor. Il n'y a plus de sous. Et, oh non, je voulais garder ça pour tantôt, mais en tout cas... Vas-y. Non, je vais garder pour tantôt. Mais d'un coup, on l'oublie. Non, j'aimerais ça, puncher avec la ministre. Ouais, mais d'un coup, on l'oublie. Non, mais c'est parce que... OK, mais garde-le. Ta gueule. OK. Ben, on finit là-dessus? Comment on finit là-dessus? Ben ouais, mais là, on fait 12 minutes, on rase. On fait-tu 12 minutes? Ben voyons donc, c'est sûr. Tu n'as même pas réussi à me poser une bonne question. C'est sûr, tu te l'es posé toi-même. Oui. Bon. OK. Hey, ben... Ouais. C'est de valeur, là, il y a un visuel ici. Oui, c'est vrai. Je fais ma face fâchée, mais... Ah, tu regardais pas. C'est plate. Hey, l'annonce d'un nouveau spectacle du Cirque du Soleil sur l'univers d'Avatar a fait réagir beaucoup de gens. Hein? En voici la preuve, on écoute. Vous écoutez le Radiovision, le 14-30 AM, Jean-Étienne Hude, au microphone! Aidé par la sainte dame de la mise en onde, Gladys. Ma chère, tu es la mère Teresa noire des consoles qui deviennent miraculeuses lorsque tu les manies. Heureusement, la lèpre ne me fait pas baisser mon potentiomètre. Dieu te bénisse, Gladys. Mon bon ami Gontran Civil, toujours au centre de toutes les rumeurs qui circulent au marché Opus Saint-Michel, m'a parlé d'un nouveau spectacle qui s'en vient dans la métropole. Le Cirque du Soleil va transposer sur les planches l'univers cinématographique du film Avatar. J'avoue, je n'ai pas encore eu la chance de voir Avatar. J'attends la sortie en VHS pour me regarder avec Gladys. Mais m'a-t-on raconté, c'est l'histoire d'humains blancs qui veulent exploiter les ressources d'une nouvelle planète où les êtres sont bleus. Bleus! Mais qu'est-ce qui se passe avec notre grand réalisateur James Cameron qui nous a donné des bons films comme Terminator Noir, Aliens, le retour du racisme, Abyss, toi pas au niveau des blancs et la petite Annick, l'histoire douloureuse d'une jeune mère qui doit quitter un bateau petit goyave pour se rendre à New York. Encore une fois, un blanc préfère inventer un peuple à la couleur de peau qui n'existe pas dans la nature plutôt que de prendre des noirs pour ses films. Devra-t-on peindre en bleu Widmer Normil pour qu'il puisse faire son métier dorénavant? Le Cirque du Soleil me déçoit grandement. Déjà que c'est un cirque sans animaux, voilà que c'est un cirque sans noir en plus. Je préfère le cirque des Shriners où ils ont des éléphants et en plus, ils ne sont pas bleus. Et là là. Et bon, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Seb? Ah, bon, bonjour Philippe. Alors, je suis toujours avec Mme Magenta Baribeau, cette femme qui a fait le choix intelligent de ne pas avoir d'enfant, Jean-Philippe. Oui. Alors, si vous voulez la suivre, elle tient le blog Maman Non Merci, où elle tend une actualité des non-mères. Elle prépare également un documentaire sur le sujet, dont le but est de redorer le blason à ces femmes qui choisissent de ne pas polluer notre espace avec ces petits morues qui courent partout. Bravo. Alors, Magenta, bonjour. Bonjour. La première question que souvent les gens se posent, c'est est-ce que c'est vraiment un choix, ou si c'est pas plutôt une excuse que vous trouvez parce que vous êtes toutes trop moches pour vous faire faire des... Oh! Quelle question machiste! Ben oui. Non, c'est vraiment un stéréotype. Là, un lieu commun qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé le bon homme. Bon, ben vous avez bien raison de me remettre à ma place. Dernière question. La question que tout le monde se pose évidemment aussi, c'est de savoir si le child free vise uniquement le choix de ces femmes à se faire respecter ou s'il y a quand même toute une action militante derrière ça. Par exemple, est-ce que vous faites du militantisme pour réduire la production d'enfants? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, que Joël Legendre cesse d'avoir autant d'enfants? Ça serait pas fou, mais je dirais que c'est pas un mouvement en tant que tel avec des règles qui le régissent. C'est plus que certaines personnes militent pour limiter la natalité parce que la Terre est déjà surpeuplée. Ben, j'ai pas encore beaucoup de questions pour vous, évidemment, mais pour le moment, on va se quitter quelques minutes pour écouter la chronique de celui dont on aurait souhaité que la mère soit une adepte du Child Free. Franchement... Vous avez fini? À tout de suite. OK. Oui. Ouais. Hey, surveillez votre langage pour la deuxième partie, si possible. Merci. Vous écoutez La Soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui pense aussi que le Québec dépense beaucoup trop, surtout quand il va chez Couche-Tard. Et justement... C'était pas si drôle que ça, honnêtement. Il y a une drôle d'ambiance cette semaine. Alors, permettez-moi de revenir sur les propos d'Alain Bouchard, fondateur des dépanneurs Couche-Tard, un fleuron de l'entrepreneurship québécois, qui est allé à une analyse approfondie et lucide du Québec moderne cette semaine devant un parterre de gens d'affaires. En gros, donc, M. Bouchard estime que le Québec se comporte comme un BS et dépense trop depuis 40 ans, rien de moins. Voilà les deux grands axes de sa pensée. Une pensée assez cliché qu'on entend continuellement chez nos idéologues de droite, que j'aime bien appeler les jambons, en un mot, bien sûr. Un terme, un terme qui sied bien à cette engeance, qui n'a jamais rien de bon à dire sur le Québec, même si c'est grâce à lui qu'elle s'est enrichie la plupart du temps. Pour le côté BS, M. Couche-Tard prétend que parce qu'on reçoit 10 milliards par année du fédéral, nous serions des assistés sociaux. Je ne rentrerai pas dans les rouages de la péréquation canadienne, c'est plutôt complexe et rasant, mais si vous allez sur le web, vous trouverez facilement autant d'études contredisant M. Bouchard que d'études l'avalisant, même si études et Laval, dans une même phrase, ça sonne toujours drôle. Et n'oublions pas que la péréquation est une composante essentielle du fédéral. Fédéralisme canadien, ce même fédéralisme que Maxime Bernier veut tant que nous embrassions. Question de pouvoir se frencher coast to coast, même si ce sera en anglais seulement, mais là je diverge. I tend dick. Là... La deuxième critique de M. Bouchard cible le modèle québécois qui, selon lui, nous fait trop dépenser depuis 40 ans. Là, il faut lui donner raison. Nous dépensons beaucoup trop. Oh que oui! J'ai d'ailleurs une anecdote tout à fait savoureuse pour l'illustrer. L'été dernier, juste avant de me rendre à une petite sauterie avec des amis, je m'arrêtasse à un couche-tard, chose que je ne fais jamais pour des raisons idéologiques, bien sûr, mais comme je ne pouvais arriver les mains vides, je tentasse d'y acheter une caisse de 6 bières vaguement européennes telle la Carlsberg, une bière avec gluten mondial. Dieu que c'est vulgaire. Arrivé à la caisse, le commis m'indique le prix qui s'élevait à quelque chose comme 21$ pour 6 bières. Je fus pris d'un fou rire, évidemment. Le commis également, tout en me disant qu'il fallait être, dixit, un peu cave pour acheter de la bière dans un couche-tard. Évidemment, je tairai le nom du commis afin qu'il ne se fasse pas crisser dehors sauvagement. C'est quand même une preuve que M. Tard a raison. Nous dépensons beaucoup trop au Québec et les exemples sont multiples. Juste ce matin, on apprenait que SNC-Lavalin pourrait peut-être empocher 200 millions de dollars pour des travaux en extra au CUSUM qui n'est même pas fini. Un partenariat public-privé qui, selon la pépine en chef de l'époque, Monique Jérôme Forget, venait nous garantir aucun dépassement de coût. Non seulement le coût a été dépassé, mais la tête est partie avec. J'imagine que c'est de SNC-Lavalin que M. Tard parlait quand il disait qu'on s'en comportait en BS et qu'on dépensait trop au Québec. Ou peut-être parlait-il de Guy Laliberté et de sa conférence C2, qui se tenait à Montréal cette semaine. 3 600 $ le billet pour aller entendre des conférences de gens riches dire à d'autres gens riches comment c'est agréable d'être riche. Je sais, je simplifie, je fais comme M. Bouchard, je ne m'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Eh bien, sachez que cette conférence de gens pleins de succès a été financée à la hauteur de 25% par des fonds publics. C'est quand même ironique qu'un citoyen du monde qui ne vote pas ait quand même besoin de l'argent des pauvres tatas de mortels qui vivent stupidement sur un territoire pour s'organiser un événement comme celui-là, je pensais qu'il était un petit peu plus créatif quand même. Je pourrais vous donner une multitude d'autres exemples qui viendraient corroborer les propos de M. Tard sur la mentalité pitoyable des Québécois qui, d'ailleurs, on l'apprenait également ce matin, sont les champions des faillites au Canada. C'est ici, au Québec, mes amis, que se fait dans l'allégresse la moitié des faillites canadiennes. Je pense que nos futurs entrepreneurs devraient s'inspirer de M. Tard, justement, afin d'éviter la faillite. Son approche des affaires est assez simple et devrait leur garantir le succès. Vendre trop cher des produits qu'on trouve partout et payer au minimum ses employés. Voilà la recette du succès en affaires. Et au pire, si jamais vous ne pouvez éviter la faillite, vous pourrez toujours aller travailler chez Couche-Tard. Ah! Yeah! Une belle boucle. Et vous savez que... Je n'ai pas fait d'auto-congratulation et je n'ai pas dit le mot Gémeaux. Non, tout à fait. Gémeaux, pas du tout. Et vous savez qu'une chronique est appréciée quand Serge Deloncourt se tape la cuisse. À peine. Subtilement. Subtilement. Moi, je fais mes chroniques. Je fais mes chroniques pour les auditeurs avant tout. Hein. Ah, mais ça, c'est votre grand cœur. J'écoute toutes les semaines. C'est vrai? Ah oui? Oui. Ah mon Dieu, j'ai fait fort. Non, c'est juste c'est pour pouvoir chialer le lendemain. Eh bien, justement, parlant de chialage, on va aller retrouver Jean-Sébastien. De retour avec la non-mère Magenta Baribeau. Magenta, on comprend bien l'idée, évidemment, de vouloir faire respecter votre choix par la population. Mais étonnamment, il paraît que c'est pas si facile que ça. Il y a des gens qui jugent beaucoup les maires qui font votre choix. D'ailleurs, j'ai lu dans un article, dans un journal qui vous était consacré, qu'il y a des gens qui disent, Magenta, que votre vie est inutile. Je veux dire, my God, c'est comment de sentir comme Olivier Niquet? Seigneur. Ben... ça fait mal, je veux dire, sérieusement, de lire par quelqu'un que ma vie est inutile. Wow! J'ai vraiment été choquée de lire des commentaires sur mon blog qui disent ça clairement, que ma vie était moins utile que celle d'une mère. ça m'a abasourdi. Là, vraiment, moi, personnellement, je me permettrais jamais de juger de la valeur d'une vie de quelqu'un. Là. Puis j'ai fait un petit sondage maison un jour en demandant s'il y a un incendie dans un appartement puis qu'une mère et non-mère, là, qui c'est que vous sauverez? Que vous sauveriez? Puis tout le monde, sans hésiter, a répondu « Ben, la mère ». Aussi, il y a des gens qui sont adeptes du child-free qui vont beaucoup plus loin que vous, Magenta. Il y a des gens, des femmes qui réclament des vols d'avion sans enfants, des restos sans enfants, même des quartiers sans enfants. C'est des trucs que j'ai lus récemment. Est-ce que c'est pas normal, tout ça, en 2014? Je veux dire, si tu veux être mère, c'est correct, mais je veux dire, tu peux le garder à la maison, ton bébé. Là. C'est sûr que tout le monde aime ça avoir la tête. Ça, je peux comprendre ça. Il y a personne qui aime ça se faire kicker le siège d'avion par un enfant de 4 ans qui n'avait pas de gueuler, là. Mais moi, je suis pas anti-enfant. Je suis anti-parent con. Ah. C'est plutôt genre, ben, élève-les un peu ton flow. Ça, il peut pas tout faire dans la vie. Mais bon, vous êtes vraiment intéressante. J'ai presque envie de vous faire un enfant, ma jeune. Évidemment, il y a plein de gens à la maison qui ont le goût de vous poser des questions. Ouais. Alors, on les invite à le faire en nous écrivant à la soirée@radio-canada.ca. Ouais, ouais. On vous revient, Jean-Philippe, dans une vingtaine de minutes. J'ai super hâte. Bye. Oui. Bye. Fred, notre deuxième invité. Avec Françoise, elles sont les deux premières sœurs élues dans l'histoire québécoise, mais notre invitée est la seule qui pourra se vanter d'être ministre. Accueillons la députée d'Outremont, Mme Hélène David! Mme David. Mme la ministre. Peux-tu m'asseoir là? Ah, mais vous pouvez vous il veut me puncher, alors si je m'assoyais là, vous allez me protéger, non? Là, on a une ministre de la Culture, on est très contents. Vous savez qu'on a travaillé très, très fort pour avoir Macacoto. Ça n'a jamais fonctionné. Mais moi, c'est... Mais je suis une habituée, ça fait deux fois en deux mois. Ben oui, je sais, mais là, aussi. On peut dire que c'est une ascension fulgurante, parce que vous avez commencé avec le petit Jean-Sébastien Télévin. Ah, mais comme non, la je vôtre. Sais, je sais. Je le sais. Que suis-je à côté de votre succès, vraiment? Vous savez comment... Non, mais je le sais bien. Je savais que dès qu'il y aurait une femme, j'existerais plus. Mais non, mais votre... Mais non, mais... Avez-vous vu? Je sais. Non, mais votre rôle dans le... Vraiment, je suis sérieuse, là, dans l'institution théâtrale, dans... Vous êtes extraordinaire. Vraiment, vous avez fait les choses. Et je veux parler des Roms aussi, parce que j'ai assisté et je me suis invitée. Hein, je m'étais promis de ne pas en parler de cette affaire-là. Vous savez, co-opéra, vous connaissez ça? Non, je ah ah! Ça, c'est l'Opéra de Montréal qui prend 4-5 écoles les plus défavorisées de Montréal là, et qui monte pendant toute l'année, là, de septembre à... J'étais là il y a 2 semaines à peu près... Un opéra. Je suis allée écouter Falstaff. J'étais à la salle Marie-Gérin, la joie de l'UQAM. Et il y avait ces jeunes, ils prennent 5 classes. Ils choisissent pas du tout. Hein. Ils prennent la classe au complet. Et ils réussissent à trouver un rôle à tout le monde, chacun. Et il y a des enfants qui ont des troubles d'attention. Ministre depuis 3 semaines, vous en faites déjà plus que Macacoto. C'est extraordinaire. Ah, mais c'est extraordinaire, cette expérience-là. Bon. Les jeunes pleurent toutes, je pleure avec eux. Mais ne prenez pas tout votre temps, là, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Hein. Bon, première chose, est-ce que Françoise est jalouse? Ça, c'est la première question que j'avais posée. Non, mais quand même, je veux dire, pourquoi Françoise serait jalouse? Ben... Vous l'adorez, oui ou non? Elle est une politicienne audacieuse. Ouais, elle est une politicienne authentique. Ouais. Elle dit ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle dit. Elle m'a supporté énormément depuis... Surprise, oui, évidemment. Mais pas tant que ça, parce qu'on se connaît depuis qu'on est... Vous vous connaissez depuis combien de temps, François? Ben... Non, mais sérieux, je dirais que je la connais plus depuis les 10 dernières années. Ah oui, hein? Absolument. C'est la politique. Mais c'est comme ça dans les familles. Là, ouais. On était 4 filles, 2 garçons. Non, et elle est la plus vieille, je suis la plus jeune des filles qui sont au milieu. Puis les pauvres, un frère en haut, un frère en bas. Je ne pourrais pas dire la date de fête de ma sœur. Bon. Monsieur Dunoncourt, allez-y, posez votre question. Parce que... Non, je suis désolé, mais j'avais des belles réponses pour... Ah oui? Ah, c'est plate, on les attendra une autre fois. Non, mais c'est la même. C'est la suite, mais c'est que moi, je suis dans le milieu. C'est pire qu'être dans un fauteuil de l'Assemblée nationale à la période de questions. Je me sens. Mais c'est beaucoup plus. Vous êtes en 2 pétards, puis vous chialez. Oui, ça, c'est vrai. Non. C'est vrai. Ben, 2. Un et demi. Ah, tu vaux plus qu'une demi. En tout cas, les deux ont beaucoup de répondants. Je peux dire ça. Je me sens un peu comme... Mais c'est que depuis des années, moi, je suis là depuis 30 ans. Donc, j'ai connu beaucoup de ministres de la culture. Et moi, plus que 2 semaines, vous avez dit comme un mois. Oui, non, mais c'est peut-être plus drôle de dire 2 semaines. Il a senti et il n'y a pas eu de véritable politique culturelle parce que ça n'intéresse personne, surtout pas les premiers ministres. Puisqu'on ne parle que d'économie, c'est quoi la priorité? C'est l'économie. Quand est-ce qu'on va admettre que toutes les coupures ou les non-augmentations qui ont été faites depuis 10 ans, c'est des mises à pied? d'artistes. Si on fermait demain une usine, on dirait 200 mises à pied ou 400 mises à pied. Quand on parle des 8 acteurs qui joueront pas au TNM l'an prochain, les 7 chez Duceppe, les 4 à l'Espace Go, les danseurs parce qu'il n'y a pas de sous, ça fait quelque chose comme 1000 mises à pied, mais comme c'est dans différents... On n'en parle jamais en ouverture de téléjournal. Ben, mais si c'était une usine, tout de suite, le gouvernement interviendrait, alors que chez les artistes, tout de suite, le ministre de la Culture et le premier ministre n'interviennent pas parce que ce n'est pas considéré comme une nouvelle économique. Oui et non. Ah. La question est intéressante. La question est très intéressante. Mais on a au Québec une industrie, j'aime pas tellement le mot, mais il y a un côté... Oui, mais comme votre question est économique, on va parler, rester avec des mots économiques, on a une industrie culturelle qui est quand même extrêmement vivante. Des Serge Denoncourt, mais des... on pourrait... Il y en a plein. Il n'y en a pas deux. Non, il n'y en a pas deux comme vous, ça, c'est sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup de création qui se fait au Québec. On s'entend là-dessus. Il y a des institutions extraordinaires. Il y a des programmes. Il y a eu tout un numéro là sur... Est-ce qu'on forme trop de créateurs? Est-ce qu'on... Mais moi, mon avis, c'est qu'on ne forme pas nécessairement trop de créateurs. On pourrait toujours injecter plus d'argent, et j'en suis, et je vais tout faire pour protéger la culture dans les prochaines années. Et comme vous le dites si bien, le Parti libéral a protégé la culture le plus possible. Et c'est rare qu'il y ait eu des baisses. Vous allez dire, oui, mais ça ne se traduit pas en argent sonnant et trébuchant. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir une augmentation de X % du budget. Sauf vous allez dire, mais oui, mais les coûts de chauffage, les coûts de ci, les coûts de ça, les salaires augmentent. Je vais vous dire, les ateliers de décor, les acteurs, les... Oui. C'est ces gens-là que moi, je vois là, au chômage. Là. C'est ces gens-là, les artistes. Oui, puis on essaie de faire tout ce qu'on peut pour protéger le plus grand nombre aussi. Mais il y en a beaucoup. Il y a des troupes de théâtre des plus modestes, des plus qui travaillent avec des tout petits moyens. Puis il y a des immenses troupes et puis il y a des Serge Denoncourt qui font des choses. Mais non, il n'y a pas d'immenses troupes. Mais il y a des immenses au niveau de la qualité, de la notoriété. Oui. On a des immenses au sens extraordinaire. Même auprès du public, si on arrêtait de parler des arts comme d'un luxe, mais d'en parler comme d'un... Parce que moi, je viens de faire Les Liaisons dangereuses. L'autre côté de la rue, il y avait Robert Lepage avec... Les aiguilles et le Si vous saviez comment les restaurants autour étaient contents, les bars, les restaurants, on faisait vivre beaucoup de évidemment. Monde. Évidemment. Et moi, je n'attends que ça. Là, je vais y aller à écouter Robert Lepage. Je voudrais aller tous les jours, tous les soirs. Je suis un petit peu occupée. Ça fait du bien d'avoir un animateur dans cette émission-là. Ben oui, j'avais oublié qu'il y avait un animateur de ce côté-là. C'était très intéressant. Mais je te laisse maintenant. La ministre. Non, mais je trouvais ça super intéressant, mais je voudrais continuer à écouter ça parce que c'est une bonne discussion. Oui, mais le problème reste entier. Dans la mesure où on parle de coupures de 8 millions, de 13 millions, 3 millions quelque part, c'est des grenailles. Oui. Et pourtant, ces petites grenailles-là feraient plaisir à beaucoup de monde. Vous avez raison. Comment ça se fait que c'est si difficile d'aller grenailler 25 millions quelque part? Mais comment ça se fait que c'est si difficile? Oui, mais on en met déjà quand même beaucoup d'argent calque, sodec, chez les artistes, chez les créateurs. Oh là là! Il y a des gens qui parlent du pétrole. Hey, sans pétrole, on n'aurait pas de chaise en plastique sur laquelle vous êtes assis. Là. Sur moi! Ouais, ben aussi. Attendez, je veux juste dire un petit quelque chose. On a quand même eu, la fin de semaine dernière, là, j'étais tellement fière, je me suis promenée pour dire, regarde, on a un jeune cinéaste. Ouais. Comment 25 ans? Je ne sais pas comment il s'appelle. Denis Arcand. Xavier Dolan. Ah oui. Bon, mais ce que je voudrais dire aux gens, là, c'est aller au cinéma. Ça, c'est des... Aller au théâtre. Remplissez les salles. Mais Xavier Dolan, on le sait avec combien peu de sous il a fait son film. Oui. Puis mais on sait que son film, son premier film, il l'a financé. Et je vous ai vu à la télé, vous aviez raison de le dire. On est très fiers. Mais on est très fiers. Le gouvernement est fier de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour Xavier Dolan? Mais on a donné de l'argent. Non, mais on donne des sous. On donne pas l'entièreté des sous, c'est sûr, mais on donne le plus de sous possible. Mais est-ce qu'on va en choisir, disons, 3 films au lieu d'en financer 15 ou 20? Ça, c'est... On ne sait pas d'avance lesquels vont... Non, bien sûr. Alors, est-ce que je vais donner tout l'argent à Xavier Dolan? On se cacherait qu'il n'y a pas eu d'augmentation dans ce milieu-là depuis que moi je suis dans le métier. Ça vous donne une idée? Ça, c'est le 20e siècle. C'est 2002. J'avais 4 ans. C'est vrai, vous êtes un jeune. Non, mais c'est un ministère où on dirait que c'est possible de ne pas donner d'augmentation. Je suis contente que vous me parliez de ça parce qu'on va tous travailler ensemble pour que le ministère de la Culture, justement, ait le plus possible de revenus. Je ne suis pas là pour essayer pour plaider la perte de financement du ministère de la Culture. Mais on va travailler pour aller générer plus d'argent. Qui a parlé de pétrole tout à l'heure ou je sais pas, de toutes sortes de croissances qu'on peut aller chercher. Mais il y a quelque chose, par exemple. vous savez, je me dis, bon, si ça coûte pas si cher que ça, investir en culture, parce que ça coûte pas si cher que ça, on s'entend. Mais, on parle, mais non, mais ça rapporte. Écoutez, quelques millions. Supposons quelques millions. Mais, ça dépend. Il y a beaucoup de culture quand on parle de ça. J'étais je suis d'accord. On a un orgue extraordinaire à l'OSM. Qui oui, mais en même temps, il n'y a personne qui peut jouer avec. Mais non, il y a trop personne. Allez, demain, c'est une journée où tous les billets ils doivent être déjà tous pris. C'est gratuit. Porte ouverte toute la journée pour aller écouter cet orgue. On et peut pas pianoter un là-dessus. Des plus imposants au monde. Oui. Et savez-vous quoi? C'est fait par Casavant-Frère. Je le sais. Puis savez-vous quoi? C'est québécois, Saint-Hyacinthe. Mais on a des gens extraordinaires au Québec. Je parlais de politique, de culturel. C'est parce que je me dis, tu sais, des fois, là, est-ce que ça vous tente pas, vous, en tant que ministre de la Culture, par exemple? Vous essayez de convaincre fort, vous dites, donnez-moi beaucoup d'argent une année. Pour investir dans juste une année, beaucoup d'argent. Et là, vous créez quelque chose d'extraordinaire. On voit ce que ça donne. Je vais créer tellement d'attentes que si je donne tout cet argent-là une année, qu'est-ce qui va arriver l'année d'après? Ils vont partir, si ça a prouvé qu'on a fait rouler l'économie, on va en remettre l'année d'après. Mais oui, mais on en remet de façon récurrente dans combien d'institutions? On en remet beaucoup d'argent pourquoi les sous à la culture ne suivent pas l'indexation, par exemple? Juste l'indexation. Il y a des ministères qui sont carrément coupé. Il y a des ministères qui perdent 10 % des fois 15 % justement. Il y a eu des ministères sous l'ancien régime qui ont perdu beaucoup. Ouais. On disait MRI moins 14. Mais quand culture est plus 2, plus 1 ou même 0, on se dit, mais c'est, au moins, c'est pas moins 14. Si j'étais aux relations internationales, peut-être... Ça prendrait plus de mafia dans culture. Ça marcherait, ça. Mais il y en a un peu. Hey, mon Dieu, on dirait que je peux pas fermer ça. Qui est dans ma fille? Mais là, je peux pas nommer de nom. T'as envie de me retrouver dans un bloc de béton? Ben non, je comprends donc. Mais vraiment, le message, c'est si on est fiers de notre culture québécoise, en français, allons au cinéma, allons au théâtre, achetons des disques et des CD. Les théâtres sont pleins quand il y a un bon spectacle. Les gens se disent, des fois, il y avait 100 personnes dans ma salle de 400 où il y avait les gens, des fois, les chanteurs. Mais moi, je travaille dans le monde entier. Mais... Le public québécois, c'est un public fidèle, c'est un public présent, c'est un public qui encourage ses artistes. En général, pas tout le temps. Je vais vous dire un truc, quand vous avez été nommé, le milieu était assez content. Oui. Mais écoute, je vais dire les choses. C'est les fleurs, le pot va arriver. Non, il n'y a pas de pot. On est assez contents. Il n'y a pas de pot pour le moment. Non, c'est ça. Je ne reviendrai plus à l'émission. Là, ça on est assez contents parce que souvent, on voit dans le visage de la ministre de la Culture qu'elle vient de recevoir un prix coco. J'ai pas eu l'impression de sentir ça chez vous, que vous aviez reçu un prix de consolation, que la culture est une chose qui vous intéresse pour vrai. Moi, je suis absolument fière, honorée. Vous avez la chance d'être majoritaire, vous avez 4 ans pour convaincre votre premier ministre que la culture, c'est pas... Puis ça fait 2 semaines, vous avez dit que je suis... Oui, un mois. Mais pour convaincre votre premier ministre, moi, je suis pas certain que votre premier ministre... On n'a pas parlé de culture pendant la campagne. J'aimerais... Non. S'il y a quelqu'un qui a suivi, qui attendait le mot culture... Oui. Mais si... Mais je peux vous dire qu'il a une oreille très attentive, que c'est un homme très cultivé et que l'oreille, je pense que c'est une date politique. Oui. Mais. On s'en voit. J'aimerais ça qu'on se revoie l'an prochain. Oui, même date. Oui, parfait. On fait ça. On se fait une date. On va être un samedi. On se fait une date. Tu sais, moi, je parle juste en français. Ça va être un samedi. Faites attention, je protège la langue française. Ah oui, parfait. On se fait une date un samedi. Ça va être un samedi, par exemple. Ça vous dérange tout. Ah, vous changez de soir? Oui, on s'en va le samedi de 5 à 7. Ah, ben, je vous écouterai plus. Bon, vous inviterez plus. Mais samedi 5 à 7, tout le monde. Mais ça va durer 2 heures. Oui, mais c'est 2 heures avec l'apéro puis tout. Le dimanche aussi, on va être en onde le dimanche. Oui. Ça va être extraordinaire. Samedi, dimanche. Ça va être très intéressant. T'es bien parti quand même. Sûr. Mais t'es une bonne question. Mais avez-vous des questions à poser? C'est fini, là. Voyons donc. Ça fait 3 minutes, c'est fini. Ça fait 3 minutes qu'on est plus. Ben là, on est même plus en onde, là. Pardon? C'est René. La fille pas d'enfer, vient pas. Ben oui, c'est ça. Faut se dépêcher, là. Voyons donc. Attends un peu. Bon, ben merci beaucoup, hein. Mon Dieu, vous étiez bon. Fred, poursuivez. Ben mieux. C'est chronique pour les délices des amateurs de jambon, même ceux qui ne mangent pas de porc. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ben, commençons avec le scandale de la semaine. Ben. Claude Blanchette, le mari de Pauline Marois, qui s'achète une Ferrari. Voilà qu'il y a de quoi indigner bien du monde, mais pas nécessairement les gens que l'on pense pour les raisons que l'on pense. Jérôme Landry, de Radio X. Moi, j'ai rien contre ça, la richesse, je suis pour ça. Moi, je pense qu'il faut valoriser la richesse. Mais quand je vois une fausse gauche socialiste là, ouais, se promenant à Ferré, tu sais, à la limite, j'aime bien mieux Manon Massé qui se promène avec une moustache. Puis elle, elle est à gauche pour vrai, Manon Massé. Comprends-tu, ouais, là? Moi, j'ai rien contre ça, la richesse, tant que les gauchistes sont pas riches. Faudrait surtout pas sortir du cliché de la communiste à barbe que Radio X bâtit depuis toutes ces années. D'autre part, il a été beaucoup question de sécurité dans les radios d'opinion cette semaine suite à la nouvelle du bébé enlevé à Trois-Rivières. Nouvelle, d'ailleurs, que le téléjournal de Radio-Canada a diffusé 12 minutes en retard, ce qui a fait réagir un petit peu Denis Gravel. Vous méritez de crever. Excusez-moi, là, Radio-Canada, vous méritez de crever. Mais... bon. Ça me semble un peu sévère pour 12 minutes de retard, là. C'est pas la seule émission qui a du retard à Radio-Canada. Tout le monde en parle. Ils sont toujours 3 jours en retard, puis personne capote avec ça. Mais bon, cette histoire de bébé volé a provoqué un débat sur l'utilisation de bracelets électroniques chez les nouveau-nés. Dominique Moret, toujours à la fine pointe de l'objectivité, a donc invité la porte-parole de la compagnie Stanley qui fait les 10 bracelets pour faire un pitch de vente tellement efficace que Dominique, pourtant apôtre de l'austérité, était prêt à dépenser comme un fou. Il ne s'agit pas de virer tout ça en état policier, c'est pas ça le point. Ça existe ailleurs, appliquons-le ici. Des gestions à courte vue, sérieusement, Joanne, 200 000 piastres, alors qu'il y a des dizaines de millions des agences de santé. Bon, si je comprends bien, Dominique Moret, pour promouvoir la religion sécuritaire, se sert de la peur des gens jouxtée à un climat de surémotivité parce qu'il y a eu un enlèvement. Oh, que le Dominique Moret anti-sécurité à vélo n'apprécierait pas la technique du Dominique Moret pro-sécurité électronique. C'est la religion verte, encore une fois. C'est le snobisme jouxté à un climat de surémotivité parce qu'il y a un mort. C'est triste, mais pas parce qu'il y a un mort que t'es obligé de prendre des décisions de colon, en bouffon. T'es stupide! C'est ça. Prenons rapidement une décision suite à un fait divers de bébé kidnappé, mais pas suite à un fait divers de cycliste décédé. Une chance que c'était pas un bébé à vélo, sinon le cerveau de Dominique aurait implosé. Terminons avec Sylvain Bouchard de Cogeco qui, une fois n'est pas coutume, a joué au philosophe cette semaine en nous rappelant qu'à la question de l'égalité homme-femme, Platon avait répondu qu'il était d'accord, mais à une condition. Il va falloir ouvrir des bordels pour les hommes laids. Parce que si un jour la femme devient l'égale de l'homme, selon Platon, qu'elle se montre, qu'elle s'habille comme elle veut, elle sera un objet de désir, beaucoup plus, et que des individus masculins, comme il n'y a pas d'égalité là-dedans, c'est pas tout le monde qui est pareil puis qui peut séduire autant les femmes, Platon disait, il va tellement y avoir de frustration chez certains hommes que ça va causer des problèmes dans la société. Vous aurez bien sûr tous deviné que Sylvain Bouchard parle de problèmes de société, comme le cas d'Eliot Rogers qui a tué 6 personnes en Californie parce qu'il se sentait rejeté par les femmes. On continue. Je pose la question. Si ce gars-là avait croisé sur la rue plein de belles blondes, OK, le fun, habillé sexy, dénudé, est en Californie, il trippe, mais il pogne pas. S'il y avait eu au coin d'une rue... ce que Platon préconisait. Voilà, s'il avait pu sortir son pinceau plutôt que son couteau, on aurait peut-être évité un massacre. En tout cas, après 10 minutes à poser des questions et après que Bouchard eut appris que le gars n'était pas vraiment laid finalement et que la prostitution en Californie, ben ça se peut, mais sa co-animatrice a tenu à ajouter ceci. On me dit que ça a peut-être pas vraiment de lien avec la laideur puisque le jeune homme souffrait d'une forme aiguë du syndrome d'Asperger. Non, de tout est... c'est sûr. Mais non, lui, il était pas bien. C'est sûr qu'il était pas bien. Mais il se sentait rejeté par les femmes. 7 heures, il faut à la pause. Ouais. Oh, sauvé par la pause! Comme disait Platon, l'impression que les sophistes donnent à ceux qui les écoutent, c'est de connaître parfaitement ce qu'ils contredisent. Fait que pensez à ça, puis on s'en reparle cette semaine. La semaine prochaine. Pardon. Ah. Les petites blagues de Grèce antique, ça fonctionne tout le temps. Ah, ça fonctionne tout le temps. Mais ça, c'est quand même le segment de votre émission où moi, j'ai honte à chaque semaine. J'ai mal à mon Québec. Ah, c'est dur, hein? Ah, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Gêné. Mais au moins, ils connaissent Platon. C'est ce qu'on se dit. Le chien Beethoven aussi, il connaît. Hey, la photo d'une partouze entre un policier et une mineure dans une voiture du SPVM a fait énormément jaser cette semaine. Évidemment, ça nous a inspiré cette nouvelle série télé. On écoute. Après 19-2, voici la nouvelle série policière s'inspirant de la réalité. 17-2. Deux filles de 17 ans dans un char avec deux polices. 17-2. Une série policière où les menottes ne sont pas pour les criminels. 17-2. Une série policière où la matraque est plus haute que la ceinture. 17-2. une série policière pour les 18 ans et plus. Fait que ça veut dire que les deux filles dans le char pourront même pas la regarder. Est-ce que c'est drôle, tout ça, hein? Bon, on va aller se calmer en écoutant Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Jean-Philippe, étonnamment, hein, nous croulons littéralement sous les courriels qui s'adressent à Magenta Baribo, cette non-mère qui est avec nous, je le rappelle. Ouais. Alors j'y vais avec ce premier courriel qui nous vient de J. Gagnon, réalisateur de La soirée est encore jeune à Radio-Canada. Alors ça va comme suit. Quelle belle idée que celle de ne pas avoir d'enfant. Quand ce choix de vie prendra de l'ampleur, nous engagerons finalement une fois pour toutes une fille à l'émission. A priori, nous ne sommes pas contre les filles, mais contre les adjointes qui quittent le bureau à 15h pour aller voir leur enfant qui fait toujours de la fièvre. Comment vous réagissez à ça? J'applique où? c'est un lieu commun que de croire que les femmes qui veulent pas avoir d'enfants, c'est à cause de leur carrière. Sérieusement? Et un dernier courriel. En fait, c'est quelqu'un qui réagit à une de nos interventions, pas plutôt à l'émission, qui va comme suit. Bonjour madame, je vous trouve vraiment épouvantable. Les enfants, il y a que ça de vrai dans la vie. Ma triple maternité a été la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est signé J. Legendre. Et ma réponse? OK, on pourrait y aller, Jean-Sébastien, là, honnêtement, c'est pas mal ça, là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, je vous souhaite bonne chance dans votre non-projet de maternité. Et je vous rappelle, en revanche, de ne pas compter sur moi pour aller m'occuper de vous dans votre CHSLD quand vous serez vieille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jean-Sébastien. Bonne semaine. Hey, bye-bye. Hey boy, c'est le temps que ça finisse ce show-là. Hein? Oui. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est déjà tout. Restez à l'écoute pour écouter notre ami René et sa bibliothèque. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Steve Côté, Jean Gagnon, Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités de ce soir. Madame la ministre de la Culture. Oui. On se revoit dans un an avec Serge Deloncourt. OK. Ça va être un grand plaisir. Ah ouais, mais ça va être un grand moment aussi. J'espère qu'il va se passer aussi des choses. Puis Serge, vous allez être à la retraite ou... Ça se dit pas mange de la merde à votre ministre. Oh, ça se dit. Mais ah, pas, oui. Devant la ministre, pas devant la qui ministre qui protège la langue française. Mais c'est français. Mais c'est ah, ben oui, ben mange de la merde. C'est français. Mais oui, c'est ça, j'ose pas dire. Ouais. Ben allez-y, allez-y. Mais je serai là, non pas à la retraite du tout. Je pourrais te parler de tous mes autres projets. Ben je le sais, ça arrive. Tu m'as pas posé de questions. Ben ouais, mais Cyrano, là, c'est quand ça? C'est tout l'été, là. Ah bon. À ne pas manquer. Ben oui, j'imagine pas. Non, mais plus de détails. Cyrano, je veux dire, on va dans la rue, c'est où? Cyrano Bergerat, à côté NM, qu'on peut prendre juste pour rire. 20 personnes sur scène, 80 personnages. C'est magnifique. Cela dit, c'est une fois par 20 ans. Si vous le voyez pas, vous risquez d'être mort la prochaine fois. Bon, on va aller le regarder cet été. Merci beaucoup, Serge Deloncourt. Si vous trippez sur l'émission, évidemment, vous nous réécoutez. Notre balado est disponible sur iTunes. Et si vous voulez venir assister à l'enregistrement, on fait ça les vendredis à 16h. Notre invité la semaine prochaine, on a le nouveau chef du PQ. En tout cas, je trouve autant qu'il change. Stéphane Bédard. Oui. Hein? Il va y avoir quelqu'un d'autre, on cherche. Oui. Ben, on travaille sur les ministres libéraux. Oui. On travaille bien, bien fort. C'est une dernière session. Oui. Alors, ici Jean-Philippe Bautier, vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.